ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le blocus de Berlin, premier véritable bras de fer entre l'Est et l'Ouest durant la guerre froide. Ce qui était techniquement inimaginable et qui a été réalisé par cette espèce de volontarisme et de gigantesque puissance économique et logistique américaine qui, là, a impressionné le monde entier, et notamment Staline, qui, un an plus tard, humilié au fond par la réussite de cette prouesse technique et logistique, a décidé de lever le blocus parce que la leçon avait été administrée, que les Américains avaient les moyens. Extrait de la série « La fabrique de la guerre froide » présentée à France Culture en 2016, c'est l'historien Johann Chapoutot que vous entendiez dans cet extrait tiré de l'épisode de la série consacré au blocus de Berlin. C'est le 24 juin 1948 que les Soviétiques décident d'établir un blocus autour de Berlin-Ouest. Très vite, les Américains organisent un pont aérien qui va permettre d'alimenter la population de Berlin-Ouest en nourriture et en combustible. Cette opération, qui s'avère un succès et qui déjoue les plans de Staline, reste l'une des plus grandes victoires américaines au temps de la guerre froide. Berlin, à la suite des mesures de blocus ordonnées par les autorités soviétiques, n'est plus qu'une ville morte, coupée de toute communication, une cité figée dont les voies de chemin de fer s'encombrent de longs convois inutiles, dont les canaux ne reflètent plus que des silhouettes de péniches immobiles. Cependant, autour de Berlin, on s'inquiète, on converse. On s'efforce de trouver une solution à cette menace jamais éteinte au centre de l'Europe. Première démonstration de la décision américaine de maintenir les alliés de l'Ouest dans l'ex-capitale du Reich, une soixantaine de super-forteresses volantes venues d'outre-Atlantique faisaient escale en Angleterre avant de s'envoler vers la zone d'occupation américaine. Manœuvre prévue depuis plus d'un an, dit le communiqué officiel. À Berlin, cependant, les voitures radio alliées remplacent de rue en rue une radio dont l'écoute est devenue impossible faute de courant. Et la vie continue, angoissée, lourde d'attente, remplie jour et nuit du sourd grondement des transporteurs aériens que guettent aujourd'hui 2,5 millions d'habitants dans le ciel de cette ville redevenue le centre de préoccupation et d'attention d'un monde. C'est du blocus de Berlin et de la réponse américaine à ce blocus avec l'établissement d'un pont aérien auquel s'intéressent les actualités françaises du 29 juillet 1948. Et pour cause, puisque Berlin est un peu le centre de toutes les attentions à l'été de 1948. Pour nous rappeler le contexte qui a conduit à ce fameux blocus de Berlin, je reçois Carl Bouchard, qui est professeur d'histoire à l'Université de Montréal, ami de l'émission. Carl Bouchard, bonjour. Bonjour Jacques. Alors Carl Bouchard, quelle place occupe cet épisode, l'épisode du blocus de Berlin, dans l'histoire de la guerre froide? Ouais. Autant Johann Chapoutot que les magnifiques d'actualité cinématographique en montrent bien le contexte. Hein. C'est un épisode politique et symbolique extrêmement important, le premier vraiment d'envergure après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est la première confrontation entre les deux grands gagnants de la guerre. Donc, c'est ce qui met en place, disons, le processus hein, de la guerre froide. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le blocus est devenu un mythe du côté occidental, puis on l'a déjà entendu hein, avec les deux extraits, avec les exagérations aussi qui ont alimenté le mythe. C'est effectivement une victoire matérielle de l'Amérique, avec le fameux pont aérien, et c'est aussi perçu du côté occidental comme une grande victoire du bien, hein, qui est l'Occident contre le mal incarné, qui est l'URSS de Staline. Puis, ce qui est aussi intéressant avec cet événement, c'est que ça marque aussi une évolution très intéressante et, je pense, symboliquement importante quant au rapport que les Occidentaux aussi entretiennent avec l'ancien ennemi allemand. Parce qu'on se rappelle, hein, la guerre a pris fin seulement 3 ans auparavant, donc c'est quand même aussi un basculement symbolique qui me semble très important, puis qu'on pourra souligner dans l'émission. Absolument, on y reviendra plus tard, mais c'est vrai que c'est un basculement. Les Allemands qui étaient associés au nazisme, qui étaient donc les forces du mal. Certains des Allemands, ceux qui sont tombés sous le joug communiste, deviennent tout à coup des victimes. Ça établit une nouvelle équation. Comment on en arrive, Carl Bouchard, à ce blocus de 1948? Et peut-être nous dire d'abord à quoi ressemble l'Allemagne de 48? Oui, ben l'Allemagne de 48, c'est si on veut comprendre le blocus, il faut un peu oublier hein, l'Allemagne telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est une Allemagne unifiée, et puis telle qu'on l'a connue aussi pendant presque 50 ans, entre 1949 et 1991, qui était alors divisé entre deux États. En fait, en 1948, et c'est toujours, j'aime beaucoup aussi le dire à mes étudiants parce que c'est quelque chose qui est très frappant, l'Allemagne comme entité politique n'existe plus. Donc, l'ancien Troisième Reich s'est effondré en mai 45, et ce qui reste de l'Allemagne d'avant-guerre est donc divisé en quatre zones d'occupation qu'on connaît. Hein. Les trois grandes puissances, donc américaine, britannique et soviétique, ont une zone à peu près similaire, puis la France, elle, a une plus petite zone en bordure de sa frontière. Et la capitale, l'ancienne capitale du Reich, Berlin, est un peu le miroir de cette occupation. Donc, Berlin, c'est une ville qui est située en zone soviétique, mais la ville est elle-même divisée en quatre secteurs qui sont administrés par les quatre alliés. Et il y a, comme elle est enclavée dans la portion soviétique, il y a trois corridors routiers et ferrés qui permettent donc aux alliés occidentaux de se rendre à Berlin dans leur zone occidentale. Et un des enjeux centraux, justement, de l'Europe dans l'après-guerre tourne justement autour de l'avenir de l'Allemagne. Parce que, est-ce qu'elle va être éternellement divisée? Est-ce qu'il faudrait qu'elle soit unie? Mais à ce moment-là, quel régime ou quelle idéologie sera en place? Alors, on a donc un géant au centre de l'Europe, et les actualités en parlaient bien, et il faut trouver cette solution. Et donc, en raison de l'impossibilité des vainqueurs de la guerre de s'entendre, la situation de la division va durer tant qu'on ne trouvera pas une solution. Et du côté des Occidentaux, autant à Londres qu'à Washington, on est convaincu qu'on ne peut pas garder l'Allemagne divisée éternellement. C'est un problème pour la reconstruction de l'Allemagne, c'est un problème pour l'Europe. Sauf que Moscou et Washington, qui gardent tous les deux aussi l'idée d'un État unifié, ne s'entendent pas ou ne sont pas prêts à accepter que le pays tombe dans la sphère d'influence de l'autre. Mmh. Et donc, c'est ce qui provoque en fait des tensions au fil des mois qui vont marquer, qui vont culminer avec le blocus de Berlin. Des tensions qui commencent dès 1947, dès janvier 1947, lorsque les Américains et les Britanniques, par exemple, commencent à parler de fusion. Et ils vont donc fusionner leur zone d'occupation. Ça deviendra la bizone. Ensuite, on va passer avec une trizone. Donc, les Français vont aussi se greffer à cette zone d'occupation. Et chaque fois qu'il y a des actions comme ça, ce sont des actions unilatérales que Moscou condamne. Et Moscou, en fait, va accuser les Occidentaux de les avoir placés devant le fait accompli. Chaque décision n'est pas prise donc entre les quatre vainqueurs, mais bien unilatéralement en ce qui concerne l'Allemagne. Vu de Moscou, Karl Bouchard, c'est comme si les Alliés sont en train de créer un nouvel État, ce qui va devenir de fait la RFA. Puis ils en rajoutent une dernière couche le 18 juin avec la création d'une monnaie de cet État non officiel, le Deutschmark. Exactement. Une fois qu'on a créé la trizone, les Occidentaux annoncent effectivement en juin, mi-juin, qu'ils ont une nouvelle monnaie, le Deutschmark, qui va être appelée à avoir cours sur l'ensemble de l'Allemagne. Et la monnaie est mise en circulation, c'est annoncé le 18, la monnaie est mise en circulation le 21 juin, ce qui montre aux Soviétiques, ce qui prouve aux Soviétiques que le plan était mûri depuis au moins depuis le printemps, depuis longtemps. Et en réaction, donc, cinq jours plus tard, les Soviétiques annoncent la création de leur propre monnaie aussi dans leur zone. Ouais, et puis le blocus qui est décrété donc par Staline le 24 juin 1948. Pourquoi ce blocus-là? Qu'est-ce qu'il cherche en fait Staline avec ce blocus? Ouais, en fait, la formation de la trizone et la formation du Deutschmark, c'est vraiment le coup de trop pour Moscou. Et puis, donc le 24 juin, Staline décide de passer à l'offensive. En fait, sa stratégie, c'est pas une stratégie qui est longuement réfléchie, mais c'est de précipiter en fait une décision sur Berlin et sur l'Allemagne en isolant la capitale. Et on peut la résumer comme un coup de poker, en fait. Un coup de poker à deux détentes. Soit il oblige les Occidentaux à quitter Berlin, par le blocus, ce qui serait une victoire symbolique vraiment très importante, ou bien soit il va les pousser à négocier pour sauver Berlin. Et donc, dans ce cas, ils devront laisser tomber leur projet d'un État ouest-allemand. Alors, on comprend à travers ça que Berlin, c'est simplement un jeton. Oui. Dans un jeu qui est beaucoup plus global, dans un rapport de force beaucoup plus important, Staline n'a pas forcément envie de faire la guerre pour récupérer Berlin. Et en fait, même s'il avait voulu faire la guerre, il aurait pu, puisque les forces soviétiques sont installées vraiment autour de la capitale. Donc, il s'agit simplement là d'un rapport de force entre les deux grandes puissances. Ouais, faire plier, obtenir des concessions de la part des alliés. Mais évidemment, oui. Ce pont aérien, la riposte américaine au blocus va venir... va surprendre Staline, un pont aérien qui va fonctionner, qui va approvisionner Berlin-Ouest pendant des mois. Et dès l'été 1948, le rythme d'approvisionnement de Berlin-Ouest va bon train, comme en témoigne d'ailleurs cet autre film des actualités françaises présenté lui-même à la mi-juillet 1948. À Berlin, à la suite des récentes mesures prises par les autorités soviétiques, les transports sont menacés d'arrêt complet. Et ces images de tramways bondés sont peut-être les dernières que les Berlinois verront d'ici de longs jours. Comme en un match, revanche, les alliés de l'Ouest, marquant point pour point, ont mobilisé pour subvenir aux exigences du ravitaillement de la ville une véritable armada aérienne. Chargés de blé et de viande, les appareils se succèdent sur les pistes à la cadence jamais atteinte d'un atterrissage toutes les 2 minutes. Pour la première fois dans l'histoire, une ville de 2 millions d'habitants voit sa consommation de charbon assurée par les airs. Effort prodigieux qui permet de décharger chaque jour les 300 tonnes de combustible nécessaires à la vie de Berlin. Nouvel épisode de cette lutte d'influence qui oppose les alliés dans la capitale d'un pays vaincu. Alors, parlez-nous de la mise en place de ce pont aérien qui va approvisionner Berlin-Ouest, Karl Bouchard. Comment ça se déploie, ce pont-là, ce pont aérien, au fil du temps? Le pont ne commence pas du jour au lendemain. Déjà, depuis le printemps 48, les Américains ont commencé à se ravitailler par les airs parce que les contrôles soviétiques sont de plus en plus importants. Et puis, c'est une façon d'aller, de permettre aux soldats dans les garnisons américaines d'être approvisionnés. Donc, la solution d'un pont aérien, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça, c'est un des mythes qu'il faut enlever. Ouais. L'autre chose aussi, c'est que ce n'est pas vrai que les quelques 2 millions de Berlinois et de Berlinoises dans les secteurs occidentaux sont complètement assiégés. On peut encore circuler dans l'ensemble des zones et quelqu'un qui le veut peut aller chercher des produits dans la zone soviétique. C'est ce que vont faire beaucoup de Berlinois puisqu'il y aura à peu près 500 000 de tonnes qui vont être importées de la zone soviétique vers la zone occidentale. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a à peu près 2 mois de réserve dans les zones occidentales. Il y a une capacité là, d'attente pour que les parties se mettent à négocier en fait pendant cette crise. Sauf que la solution du pont aérien, elle est choisie parce que ça permet aux Occidentaux d'éviter de négocier en position de faiblesse, même si elle est extrêmement risquée en fait. Les experts estiment qu'on ne pourra pas tenir au-delà de 2 semaines. Et c'est ça, là, il y a vraiment un effort politique à ce moment-là pour dire non, il faut conserver notre capacité d'approvisionnement. Il en va de notre propre image. Et l'approvisionnement va être effectivement extraordinaire. Au début, on dépose à peu près 1500 tonnes par jour. On estime que les Berlinois auraient besoin d'à peu près 4000 par jour, donc c'est insuffisant. Mais peu à peu, la capacité d'approvisionnement augmente. Dans les derniers mois du blocus, au printemps 49, on dépose 7000 tonnes quotidiennement. Et là, les actualités cinématographiques en ont parlé. C'est beaucoup du charbon, le 2/3 de la nourriture, des produits sanitaires. On va même envoyer à Berlin une centrale électrique en pièces détachées. Et puis, on va aussi en profiter, puisque les avions qui, eux, n'auront plus de matériel, vont être vides de leur matériel, vont transporter, eux, hors de Berlin, des malades, par exemple, pour aller dans les hôpitaux, ou bien des enfants pour des camps de vacances. Oui. C'est un magnifique pont, en fait, parce que ça permet de garder actif cette collaboration avec les Berlinois et surtout de leur donner, même si c'est difficile, un semblant de vie quotidienne. Oui, avec évidemment, c'est un tour de force quand même, un nombre de vols impressionnant chaque jour pour arriver à relever ce défi. Vous disiez, les Berlinois, c'est pas quand même la catastrophe, mais il reste que Berlin-Ouest est sous pression. À quoi ressemble la vie des habitants de Berlin-Ouest pendant ce blocus? Oui. Si le pont aérien des Occidentaux est spectaculaire, la détermination des Berlinois l'est aussi, parce que les conditions de vie vont se détériorer au fil des mois, même si on arrive à les approvisionner de façon au moins minimale. Évidemment, les Berlinois sont habitués aux tickets de rationnement, parce qu'on est encore dans la reconstruction de l'après-guerre, donc ça va continuer et le rationnement va devenir encore plus difficile. Il y aura des problèmes de chauffage, évidemment, même si le charbon arrive, c'est pas suffisant. Donc, une partie des arbres de la ville sera, par exemple, coupée. On va transformer une partie des parcs des zones occidentales aussi en jardins potagers pour avoir des légumes. Donc, les Berlinois, je l'ai dit tout à l'heure, peuvent continuer à se ravitailler du côté soviétique, mais ils vont décider très largement de ne pas le faire, justement, et donc de prendre symboliquement parti en faveur des Occidentaux dans cette joute idéologique entre les deux grandes puissances. Et puisque vous parlez de joute idéologique, on l'a un petit peu abordé au tout début, là, on parlait de ce mythe, ce que c'est devenu comme grande victoire des Américains et des Alliés, ce pont aérien pour contrer le blocus de Berlin, mais de fait, les Américains vont en jouer beaucoup de ça, ils sentent bien qu'il y a une occasion de propagande extraordinaire, que c'est du bonbon pour eux, là, cette riposte par la voie des airs. Les actualités cinématographiques le montrent bien dans les extraits que vous présentez. C'est médiatiquement spectaculaire, en fait, de faire ce pont aérien. Donc, c'est une merveilleuse propagande. L'Amérique et ses alliés occidentaux qui viennent au secours des Ouest-Berlinois, qui sont coupés du monde par une diabolique manœuvre de Staline. On le compare à l'époque à Gengis Khan. Frank Holley, qui est le commandant du secteur américain pendant le blocus, va dire, je le cite, que le blocus a été une décision sinistre, la plus barbare que l'on ait connue depuis Gengis Khan, affamer les Allemands jusqu'à ce qu'ils se révoltent contre les Occidentaux et ainsi rejettent notre présence. Alors, il y a là toute une enflure verbale autour de cette décision. Et c'est pour ça qu'il est décidé de tout faire pour maintenir le blocus et donc de prendre les moyens pour le conserver. Et plus les Américains et plus les Occidentaux tiennent, plus ils apparaissent comme les héros, notamment auprès des Berlinois et des Allemands, et puis plus le rapport de force avec Staline penche en leur faveur. Oui. Donc, c'est ce qui fait, en fait, que le blocus a pu tenir aussi longtemps. Oui. Et comment il se termine, ce fameux blocus de Berlin? C'est la plus formidable opération de ravitaillement de l'histoire, en fait, se termine parce qu'un des deux joueurs abandonne. Fin janvier 49, Staline, qui constate le succès du pont aérien puis la détermination des Occidentaux, va reconnaître en fait que son bluff a échoué. Et donc, il annonce qu'il est prêt à négocier. Et ce qu'il propose aux Occidentaux, c'est de dire, écoutez, si vous laissez tomber votre projet d'un État ouest-allemand, je vais lever le blocus. Or, les Occidentaux ne le rejettent pas. Et au fil des semaines, Staline réduit en fait ses exigences et à la mi-mai 49, il lève le blocus sous la promesse d'une rencontre des ministres des Affaires étrangères de chacune des grandes puissances au sujet de l'Allemagne. Et c'est une conférence en fait qui va mener à rien. Ce qui fait que, en fait, en un mot comme en mille, c'est une défaite de Staline très clairement dans le cadre de ce blocus et une victoire des Occidentaux. Oui, et cette victoire, elle aura des conséquences concrètes pour la suite des choses, Karl Bouchard. Conséquence majeure, parce que la fin du blocus donne aux Occidentaux la marge de manœuvre pour décider, compléter en fait leur projet économique et politique. Ça se fait dès 1949, alors même que la conférence des ministres des Affaires étrangères est en cours. On annonce en mai 49 la création d'une république fédérale allemande, donc la RFA, à laquelle répondra Moscou, donc quelques mois plus tard, par la création de la République démocratique allemande, de la RDA. Et comme on le sait, Berlin, capitale de la RDA, mais non plus de la RFA, donc ce sera Bonn qui deviendra la capitale de la République fédérale. Oui. Berlin va rester, elle, divisée jusqu'en 1989. L'autre conséquence aussi, la création de ces deux États allemands, c'est une solution qui est quand même encore vue comme une solution temporaire, parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir un État allemand unifié. Oui. Donc, une solution temporaire qui va demeurer pendant 50 ans. Autre conséquence aussi, le blocus de Berlin va matérialiser l'engagement militaire des Américains en Europe, qui au départ devait être temporaire, puis qui lui aussi va se pérenniser autour de l'enjeu allemand. Et puis finalement, dernière conséquence importante, ça provoquera aussi une réflexion intense en Europe sur la défense du continent européen, de l'Europe de l'Ouest, contre une possible agression soviétique, et ça mènera à la création de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc de l'OTAN, en 1949. Donc, des conséquences quand même majeures de ce blocus. Ouais, c'est vraiment, on le voit bien en vous écoutant, c'est toute la dynamique des années qui vont suivre. Quand on disait c'est un premier bras de fer important entre l'Est et l'Ouest, au temps de la guerre froide. En fait, ce blocus et les conséquences de ce blocus et de la réponse par le pont aérien mettent en place toute l'infrastructure, toute la dynamique qui va prévaloir durant les années de guerre froide. C'est un peu ça à quoi on assiste. Absolument. Absolument, c'est vraiment les jalons qui sont posés peu à peu en réaction à cette crise. En même temps, il faut aussi voir ce blocus un peu comme une période de tampon aussi, hein, qui va être utile à la réflexion, parce que les deux grandes puissances vont se positionner par rapport à ça. Et comme c'est souvent le cas dans la guerre froide, eh bien, ça se termine pacifiquement. Ouais. Hein, ça se termine par la négociation. Donc, il n'y a pas de crise, hein, qui mène à la guerre. Oui. On l'a un peu évoqué au tout début de l'émission, l'aspect dynamique psychologique, je dirais, comment seront perçus, par exemple, les Allemands, les relations entre les Allemands de l'Ouest et les Américains, qui vont beaucoup, beaucoup changer à partir de ce blocus de Berlin. On écoute, on en parle dans un instant, Karl Bouchard, mais d'abord, on écoute à ce propos l'historien Johann Chapoutot à France Culture en avril 2016. Le pont aérien, effectivement, c'est un bombardement pacifique, bénéfique. Les Berlinois ont affectueusement surnommé les B-52, qui auparavant larguaient des bombes sur Berlin, qui désormais larguaient des chewing-gums, puisque avant d'atterrir, les pilotes jetaient par la fenêtre des bonbons, des biscuits, des chewing-gums, des cigarettes, etc. Les Berlinois ont surnommé ces B-52 des Rosinenbomber, c'est-à-dire des bombardiers de raisins secs. Et le message qui a été adressé aux Berlinois, aux Allemands et au monde, c'est la puissance militaire, logistique, stratégique, économique américaine, c'est une puissance nourricière. C'est le plan Marshall, c'est le pont aérien, on ne largue pas des bombes, on largue de la nourriture. Alors, qu'a changé, Karl Bouchard, cet épisode du blocus de Berlin dans cette dynamique politique de l'époque et dans les relations que vont justement entretenir, à partir de ce moment-là, les Américains et les Allemands de l'Ouest? Là aussi, hein, on est dans l'ordre du symbole, hein, qui est vraiment très important, parce que c'est aussi c'est un pont matériel, hein, mais c'est aussi une bataille de l'image, ce pont aérien, ce blocus. Donc, les Américains ont manifesté à l'Union soviétique leur puissance d'action, effectivement, leur capacité d'organisation, mais plus fondamentalement encore, s'ils étaient perçus depuis 1945 par les Allemands comme des occupants, le blocus aérien fait en sorte que les Américains deviennent des amis, comme l'a souligné Johann Chapoutot, une condition essentielle, hein, qui va permettre aussi aux Allemands de leur intégration dans le système politique économique de l'Ouest. Puis dans le sens inverse, on note aussi une évolution de la perception de l'Ouest par rapport aux Allemands. Donc, les Allemands passent de bourreaux à, dans l'imaginaire occidental, deviennent des victimes de l'Union soviétique. Et en ce sens-là, le blocus de Berlin marque, pour les Occidentaux, donc, un épisode important qui a pris peu à peu un statut de mythe. Hein, une des images emblématiques, et puis Johann Chapoutot parlait, hein, de ces bombardiers qui arrivent, hein, c'est la photo de l'avion américain qui vole au-dessus, hein, des Berlinois, justement sur un amas de ruines. Et là, on a vraiment cette idée, hein, effectivement, de l'Amérique qui vient sauver une partie du monde. Karl Bouchard, professeur au département d'histoire de l'Université de Montréal, ami de l'émission, c'est toujours un immense bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup, Karl. Avec grand plaisir, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.